Sainte Bible selon Saint Jérôme, lecture du Cantique des Cantiques au chapitre 5e. Que mon bien-aimé vienne dans son jardin et qu'il mange du fruit de ses arbres. Je suis venu dans mon jardin, ma sœur, mon épouse. J'ai recueilli ma myrrhe avec mes parfums. J'ai mangé le rayon avec mon miel. J'ai bu mon vin avec mon lait. Mangez, mes amis, et buvez, enivrez-vous, mes bien-aimés. Je dors et mon cœur veille. Voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, mon immaculée, car ma tête est couverte de rosée et mes boucles sont pleines des gouttes de la nuit. Je me suis dépouillé de ma tunique. Comment la revêtirai-je? J'ai lavé mes pieds. Comment les salirai-je? Mon bien-aimé a passé sa main par l'ouverture de la porte, et mes entrailles se sont émues au bruit qu'il a fait. Je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé. De mes mains a dégoûté la myrrhe, et mes doigts étaient pleins de la myrrhe la plus précieuse. J'ai levé le verrou de ma porte pour mon bien-aimé, mais il s'était retiré, et il avait passé ailleurs. Mon âme s'est fondue au son de sa voix. Je l'ai cherché et je ne l'ai pas trouvé. Je l'ai appelé et il ne m'a pas répondu. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Ils m'ont frappé et ils m'ont blessé. Les gardes des murs m'ont enlevé mon manteau. Je vous en conjure, fille de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé, annoncez-lui que je languis d'amour. Quel est-il ton bien-aimé entre les bien-aimés? Ô la plus belle des femmes! Quel est-il ton bien-aimé entre les bien-aimés, pour que tu nous conjures ainsi? Mon bien-aimé est blanc et vermeil, il est choisi entre mille. Sa tête est un or très pur. Ses cheveux sont comme les rameaux des palmiers, noirs comme le corbeau. Ses yeux sont comme des colombes qui reposent au bord des ruisseaux, qui ont été lavées dans le lait et qui se tiennent près des grands cours d'eau. Ses joues sont comme des parterres de plantes aromatiques plantées par les parfumeurs. Ses lèvres sont des lys qui distillent la myrrhe la plus pure. Ses mains faites autour sont d'or et pleines d'hyacinthe. Son sein est d'ivoire enrichi. Son sein est d'ivoire enrichi de saphir. Ses jambes sont des colonnes de marbre posées sur des bases d'or. Son aspect est comme celui du Liban, distingué comme les cèdres. Sa voix est très suave et il est tout désirable. Tel est mon bien-aimé et il est mon ami. Ô fille de Jérusalem, où est allé ton bien-aimé? Ô la plus belle des femmes, où s'est retiré ton bien-aimé? Et nous le chercherons avec toi. Enregistrement de la Sainte Bible selon la Vulgate, dans la traduction de l'abbé Glaire, pour le site jesusmarie.com, afin d'en assurer une diffusion gratuite. Fichier placé sous licence Creative Commons le 30 novembre 2010. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.